Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional ce matin avec un gros menu. C'est qu'une excellente nouvelle, c'est que Samuel Girard restera avec l'Avalanche du Colorado. Girard était à son 9e match dans la Ligue nationale et il a eu la confirmation de l'Avalanche qu'il va demeurer avec l'équipe. Girard est passé dans une transaction majeure il y a 2 semaines, qui l'a fait passer des Prédateurs de Nashville à l'Avalanche du Colorado. Hier, il a été blanchi par contre et il a joué plus de 24 minutes 20 secondes et l'Avalanche a gagné 4-3 contre les Red Wings de Détroit. Les Saguenay de Chicoutimi ont connu un excellent voyage en Abitibi. D'abord, ils ont gagné 6-1 contre les Foreurs de Val-d'Or. 2 passes pour Charles Tremblay de Saint-Félicien. Et samedi, les Saguenay ont perdu 4-2 contre ces mêmes Foreurs. Et là-dessus, Jérémy Fortin a amassé une passe dans la rencontre. Jérémy Fortin qui est de Dolbeau-Missassini. Et vendredi, victoire de 7-4 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. 3 buts, 2 passes pour Kevin Clément. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont vaincu les Remparts de Québec 4-1 dans un autre match qu'on surveillait dans la Ligue junior régionale. 2 victoires des Marquis Jonquière en fin de semaine. D'abord, ils ont battu Trois-Rivières 5-3. Francis Trudel et James Dumarin, 1 but, 2 passes chaque. Et vendredi, autre victoire de 4-3 des Marquis contre le Cool de Saint-Georges-de-Beauce. Et dans le match, on a été 2 buts, 1 passe de Jean-Simon Allard et 1 but, 1 passe pour Philippe Paradis. Ligue junior régionale, ça va de mal en pis pour les Sabres de Roberval. 2 autres défaites en fin de semaine. D'abord, les Éperviers qui ont infligé un revers aux Sabres par la marque de 4-2. Et les Sabres qui ont également perdu 4-3 contre les Aiglons d'Alma. Au niveau du midget régional, 2 victoires du Marcos Pop de Saint-Félicien. Le Marcos Pop qui a gagné 3-2 sur les Aiglons d'Alma et 4-1 sur les Ambassadeurs de Chicoutimi. Les Ambassadeurs qui ont perdu également 2 autres reprises, 4-2 contre les Marquis de Jonquière et 8-5 contre les Marquis. Les Castors de Dolbeau, eux, étaient en tournoi à Saint-Anselme et ils ont gagné 4-2 sur Saint-Jérôme et ils ont défait Laval Express 5-1 avant de se faire éliminer 2-1 par Québec. Tournoi Bantam de Dolbeau-Missassini, on va faire un bilan aujourd'hui avec Pierre-Luc Ménard dans la section entrevue de danradiosport.com. Mais les Patriotes de Saint-Bruno ont gagné 1-0 sur les Rapides de Dolbeau-Missassini en grande finale. Il y a les Genois d'Alma qui ont également gagné 6-3 sur les Patriotes de Saint-Bruno. Et au niveau Bantam, les Cougars de Chicoutimi au niveau Bantam B ont eu le meilleur sur les Aiglons d'Alma 6-3. Maintenant, on va parler de patinage de vitesse sur côte-à-piste. Marianne Saint-Gelais a enlevé la 4e position à la Coupe du monde de patinage qui s'est déroulée en fin de semaine à Séoul. Marianne qui a négocié le 1500 mètres avec un temps de 2 minutes 24 secondes et 883 centièmes. Au 500 mètres, Marianne a été disqualifiée. Et au 1000 mètres, elle n'a pas participé. Tant qu'à Cassandra Bradette, elle a remporté la finale du B au 500 mètres avec un temps de 45 secondes et 80 centièmes. Maintenant, football collégial, on surveille évidemment le bol d'or en fin de semaine. Il y avait beaucoup de joueurs de Dolbeau-Missassini qui étaient en action en fin de semaine dans l'équipe des Gaillards de Jonquière. Et les Gaillards qui ont malheureusement perdu contre la formation de Saint-Hyacinthe par la marque de 35-20. Ça faisait seulement que 4 ans que le programme de football de Saint-Hyacinthe existe. Donc c'est quand même une très très belle réussite pour Saint-Hyacinthe. Et en terminant, le tournoi régional des retraités qui s'est tenu au club de curling de Chicoutimi a couronné une équipe d'un demi-soir, soit l'équipe de Raymond Lavoie, André Chiasson, Léo Fournier et Daniel Murray qui ont remporté la victoire dans le A. Au total, il y avait 208 joueurs, 52 équipes qui ont participé à ce tournoi. Le prochain tournoi des retraités aura lieu à Roberval du 26 novembre au 2 décembre. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.